Contingent anonyme dans la nuit qui s'en va. Contingent. décrire l'arsenal comme l'arme fatale. Écoute, mon vieux, on arrête ces conneries. Tu sais comme moi pourquoi j'ai été transféré. Ou on me croit suicidaire et je suis baisé parce que personne ne veut bosser avec moi. Ou on croit que je fais le dingue pour avoir la pension d'invalidité et je suis baisé parce que personne ne veut bosser avec moi. De toute façon, je suis baisé. Tu sais quoi ? Quoi ? Je veux pas bosser avec toi. Et te force pas ? Mais si j'avais le choix, mon vieux. On dirait qu'on est baisés tous les deux. Non, formidable. La vérité, c'est que Dieu me déteste.

better protect the airway. We're starting to lose them. place you only dream of, where your soul is always free. Silver stages, golden curtains, filled by head plate as could be. As a rainbow grew around the sun, all my stars of love and guide came from somewhere beyond the sea to see. These lovely people played just for me. If I bid you see this place where stories all ring true, will you let me past your face to see what's really you? It's not for me, I ask this question as though I were a king. Boy, you have to love, believe, and feel before the burst of tambourines take you there. Green grass and high clouds forever. Castles of stone sold in glory. Lost faces say we adore you. As kings and queens bow and play for you. Et comme je suis là et que moi, j'ai pas envie de partir tout de suite. Bien. Alors, allons-y. D'accord. À trois. Non, attends, laisse-moi entrer dans la baignoire. Oui. Alors, c'est moi qui donne... À trois, hein? Trois, t'es d'accord? Trois. Bon, oui. Oui, bon, alors... Un. Deux. Non, attends une minute. Quoi? Est-ce qu'on y va à trois? Ou on fait un, deux, trois et on y va? We'll be right back. breaks out loud. Lust is in cages, it's on breeze loose. Just have to make it with someone I chose. Yeah. superstitious, but a black cat crossed my trail. I said so one time before. Ain't superstitious, a black cat crossed my trail.